charge de l'enfant. Comme vous savez, on vous a rapproché ça dès le début du stage. Comme quoi l'enfant, c'est pas l'adulte. Comme quoi il y a des particularités de l'os de l'enfant par rapport à l'os de l'adulte. Et ainsi, certaines pathologies sont spécifiques à l'enfant par rapport à l'adulte. D'accord ? Les infections articulaires de l'enfant, on a spécifié l'enfant parce qu'il a une physiopathologie. C'est sa affection en physiopathologie particulière à l'enfant en rapport avec la prédisposition anatomique et physiopathologique de l'enfant. On va commencer par des définitions. C'est quoi une arthrite ? C'est quoi une ostéite ? C'est quoi une ostéoarthrite ? L'arthrite, c'est l'infection par voie hématogène. C'est l'infection par voie hématogène de la synoviale articulaire. Vous savez qu'à l'intérieur de l'articulation, il y a une synoviale. Il y a une synoviale qui est richement vascularisée. Quand elle est infestée suite à une bactériémie, on parle d'arthrite. Donc, pour parler d'arthrite, une condition est qu'il n'y ait pas d'atteinte osseuse. Il n'y a aucune atteinte osseuse, il y a uniquement une atteinte articulaire. Maintenant, si on a une atteinte osseuse, si on a des lésions osseuses en plus de l'atteinte articulaire, on parle dans ce cas d'une ostéoarthrite. Maintenant, si on a uniquement une atteinte osseuse, on parle d'ostéite et d'ostéomyélite. Quand est-ce qu'on parle d'ostéomyélite ? Quand on a une atteinte de la moelle osseuse. On parle d'ostéomyélite. Donc, il faut savoir différencier. Maintenant, dans tous les écrits, dans toutes les publications, on parle d'infection osteoarticulaire sans spécifier l'ostéomyélite, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite. Parce que tout est relié en... Mais, pour des raisons pédagogiques, j'ai séparé ces trois définitions. Donc, l'arthrite, c'est une atteinte de la synoviale. Ostéoarthrite, quand on a une atteinte de la synoviale plus une atteinte osseuse. Maintenant, quand l'infection fuse vers la moelle osseuse, on parle d'ostéomyélite. La physiopathologie, il est important de connaître la physiopathologie parce qu'en fonction de la physiopathologie, on va comprendre pourquoi il y a eu une infection par voie hématogène et pourquoi spécifiquement l'articulation, la métaphyse ou bien la diaphyse. Chez l'enfant, la grande particularité de l'os de l'enfant, c'est la présence d'un cartilage de croissance. Par définition et par principe, le cartilage de croissance est un barrage au passage de l'infection. Il est un barrage. Il empêche la diffusion de l'infection. Par quel mécanisme ? Parce qu'il n'est pas vascularisé. Parce qu'il n'y a pas de vaisseau qui traverse le cartilage de croissance. Et on sait que les infections, la diffusion, elle est par voie hématogène. Se fait par voie hématogène. Quand on a un cartilage de croissance, donc l'infection ne va pas passer à travers le cartilage de croissance. Sauf dans deux cas. Le premier cas, c'est avant l'âge de 1 an. Avant l'âge de 1 an, le cartilage de croissance, il est toujours traversé par des vaisseaux. À la naissance, dès la naissance jusqu'à l'âge de 1 an, il y a des vaisseaux qui traversent ce cartilage de croissance. Donc, pendant cette période, jusqu'à l'âge de 1 an, il ne représente pas un barrage, c'est-à-dire qu'il n'a pas la fonction de barrage. Il laisse passer l'infection quand même. Au-delà de 1 an, il y a une interruption physiologique de la vascularisation au niveau du cartilage de croissance. Et le cartilage de croissance va se présenter comme un barrage à l'infection. La deuxième condition, c'est-à-dire la deuxième situation dans laquelle il y a un passage à travers le cartilage de croissance, c'est quand il y a un traumatisme de ce cartilage. Soit un traumatisme, chute, décollement, un traumatisme de la plaque de croissance. Donc, par définition, le traumatisme de la plaque de croissance va créer de la vascularisation à travers ce cartilage. C'est ce qui va donner les pentes d'épiphyseodèse. D'accord ? C'est pour ça qu'on a des pentes d'épiphyseodèse. Quand on a un traumatisme qui passe par le cartilage de croissance et on a un décollement, ou bien même sans qu'il y ait un décollement, il y a un passage du trait de fracture à travers le cartilage de croissance, on va voir du sang qui va traverser ce cartilage de croissance, qui va ramener des cellules osseuses, on va avoir une consolidation et par conséquent, et comme résultat, on va avoir une épiphysiotase, un pont osseux. D'accord ? Quand on a une infection, et on a une infection qui est virulente, c'est très avancé, l'infection peut agresser le cartilage de croissance et passer à travers ce lit-là. Mais quand elle n'est pas très agressive, elle peut se limiter juste à l'épiphyse ou bien à la métaphyse sans traverser le cartilage de croissance. Donc, et après la puberté, c'est-à-dire après fusion du cartilage de croissance, on a rétablissement de la vascularisation et fermeture de ce cartilage, et on peut avoir le passage de cette infection. D'accord ? Ici, c'est un schéma qui résume ce que je viens de dire. Avant un an, ici c'est schématisé 2 ans, mais avant un an, on a des vaisseaux qui traversent ce cartilage de croissance. Puis on a une interruption de cette vascularisation, et la tête va être vascularisée uniquement par l'artère du ligament rond et les artères circonflexes. Et à la puberté, après fermeture du cartilage de croissance, on a rétablissement de cette vascularisation. Docteur, oui. Docteur, pour l'ostéoarthrite, l'infection concerne et l'articulation et l'os. Oui. C'est dans l'articulation. Ça va aller vers l'os, c'est ça? Ça dépend. Si on a au début une arthrite, donc c'est la synoviale qui a constitué le lit de formation de cette infection. C'est-à-dire que les bactéries viennent se loger premièrement, initialement, au niveau de la synoviale. Et dans ce cas, on a une atteinte première de l'articulation et de la synoviale, et ça commence avec une arthrite. Et cette arthrite, si elle évolue, elle va agresser l'épiphyse, et on va avoir une ostéoarthrite. Maintenant, si l'articulation, elle est intra, si l'os, la métaphyse, elle est intra-articulaire, comme c'est le cas de la hanche et de l'épaule, même au niveau de la cheville, comme la métaphyse, elle est intra-articulaire, et l'infection, elle est dans l'articulation, on va avoir une atteinte de la métaphyse, sans qu'il y ait un passage à travers le cartilage de croissance. Parce que la métaphyse, elle est dans l'articulation. Il y a un autre cas de figure où l'infection se plante, où les germes se plantent premièrement au niveau de la métaphyse. Et je vais vous expliquer pourquoi préférentiellement au niveau de la métaphyse. Je vais vous expliquer par la suite. Et dans ce cas, l'infection, elle est initialement osseuse. Puis elle va diffuser vers l'articulation. Ou bien vers la moelle osseuse et donner une osteomyélite. D'accord ? Maintenant, pourquoi l'infection, elle va se loger préférentiellement au niveau de la métaphyse. Richement vascularisé. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un mauvais retour veineux au niveau de la métaphyse. Un mauvais retour veineux qui est physiologique. Pourquoi il est physiologique? Parce que les veines au niveau de la métaphyse ont une forme de boucle. Voyez ici l'aspect. Vous avez des vaisseaux en forme de boucle. Cette forme de boucle ralentit le flux sanguin. Et quand on a une bactériémie, les bactéries vont s'incruster là où il y a un ralentissement du flux sanguin. Parce qu'il y a moins, la vitesse elle est moindre de passage de l'os, donc elles ont plus de temps pour s'incruster. D'accord ? C'est pour ça, c'est cette forme en boucle qui va être responsable de l'infection primaire au niveau de la métaphyse. Un autre élément anatomique qui est responsable du ralentissement du flux sanguin est l'absence de valve anti-retour au niveau des veines de la métaphyse. Vous savez qu'au niveau des veines, il y a des valves anti-retour pour favoriser le retour veineux contre la pesanteur. Au niveau de la métaphyse, les veines ne disposent pas de ces valves anti-retour, ce qui va encore aggraver le ralentissement et la stase veineuse qui est responsable de l'infection s'il y a une bactérie. D'accord ? En cas de bactérie. Il y a un autre fait aussi, c'est l'absence de cellules immunitaires. pas possible. On va en parler plus tard. Avant cela, il y a aussi un autre phénomène qui peut aggraver le ralentissement du flux sanguin et favoriser l'infection. C'est le traumatisme. Parce que souvent, l'enfant arrive après un traumatisme, une chute banale, chute d'un vélo, chute en courant, chute de sa propre hauteur. Il arrive aux urgences avec des douleurs osseuses, de fractures, mais sans fracture, sans qu'il y ait une fracture, et sans que le traumatisme ne soit violent. Et dans ce cas, il faut toujours penser à l'infection. D'accord ? Parce que si l'enfant, déjà, dans la veille, ou bien l'avant-veille, ou dans la période qui précède le traumatisme, avait une virose, ou bien avait une bactérie, ou bien avait une infection, le traumatisme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner de l'œdème. Au niveau de la métaphyse, ou bien au niveau de l'os, il va y avoir un œdème. Cet œdème va encore ralentir le flux sanguin et favoriser l'infection. C'est pour ça que le traumatisme peut être le facteur déclenchant de l'infection. Il n'est pas la cause, mais il a créé un climat favorable à l'infection, à l'incrustation de des germes, surtout chez l'enfant qui présente une bactérie. Ce n'est pas pour un enfant qui n'a pas de syndrome viral ou de syndrome bactérien. Celui qui est sain, qui n'est pas malade, qui n'a pas d'infection, ce n'est pas le traumatisme qui va déclencher l'infection. Il faut qu'il y ait d'abord des germes dans son sang pour qu'il y ait une infection suite à un traumatisme. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ça ? Un autre élément, c'est le nombre limité de cellules immunitaires au niveau de la métaphyse. On a moins de cellules immunitaires. Donc, l'activité phagocytaire, elle est moindre par rapport aux autres régions anatomiques. Ce qui va encore favoriser la prolifération des germes. Donc, vous avez un ralentissement, vous avez un aspect particulier des veines, un aspect anatomique particulier des endovènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valve anti-retour. Vous avez une vascularisation qui est riche, donc il va ramener un maximum de sang au niveau de la métaphyse, donc un ralentissement. Vous avez un facteur favorisant qui est le traumatisme qui va donner un œdème qui va encore ralentir le flux sanguin. En plus de ça, quand on va avoir des germes qui vont s'incruster, on a moins de cellules immunitaires, on n'a pas beaucoup de défense au niveau de la métaphyse, ce qui va encore favoriser l'infection. Est-ce que vous avez compris la physiopathie? C'est tout ce qu'il y a dans la physiopathie. Il faut juste comprendre la vascularisation, le barrage à l'infection que constitue le cartilage de croissance, et puis le type de vaisseau et la rareté des cellules immunitaires. Dans la physiopathie, il faut aussi comprendre pourquoi on a des séquestres. Pourquoi on a une nécrose? Pourquoi on a des abcès centraux? C'est quoi un séquestre? Le verbe séquestrer. Non, c'est pas emmagasiner. Séquestrer quelqu'un. C'est l'emprisonner. Le séquestre en matière d'infection, quand on a une ischémie osseuse, mais limitée à un seul fragment d'os, il est séquestré à une petite zone osseuse. Donc elle est séquestrée, elle est dépourvue de vascularisation. Parce qu'il y a eu des thromboses infectieuses. L'infection va donner des thromboses qui vont boucher certains vaisseaux et ils vont délimiter une zone d'ischémie qui va se détacher et donner un séquestre. Un séquestre, c'est quoi? C'est un fragment d'os qui est dépourvu de vascularisation. Là où il n'y a aucune chance qu'il soit revascularisé. C'est ça le séquestre. La nécrose, c'est quand il y a une destruction osseuse importante. Donc l'os va nécroser. C'est ça la nécrose. Et les abcès centraux, c'est quand on a une infection, une nécrose à l'intérieur de l'os, puis avoir un phénomène de reconstruction ou de défense d'ostéogénèse autour de cet abcès, cette ostéogenèse va englober cet abcès. Elle va englober et elle va empêcher le passage des antibiotiques vers cet abcès. Et il va constituer un abcès central. qu'on appelle, et qu'on va voir, qu'on appelle l'abcès de Brosy. C'est ça l'abcès de Brosy. C'est une forme évoluée d'infection osseuse. Donc vous avez une infection à l'intérieur de l'os, vous avez de la nécrose, vous avez des germes dedans. Automatiquement, l'os va se défendre en déclenchant une ostéogenèse avec par hyperactivité des ostéoblastes qui va englober cette infection. Les germes vont rester vivants à l'intérieur de cet os, mais à l'extérieur, il y a une ostéocondensation. Il y a de l'os qui se reconstitue et on a un abcès qui est central dans le traitement. Le seul traitement est la chirurgie. Parce qu'il n'y a pas de passage d'antibiotiques à travers cette condensation. C'est ce qu'on appelle l'abcès central. Ça résume, c'est un schéma qui résume globalement ce qu'on peut avoir lors d'une infection. Donc on peut avoir une thrombophlébite, c'est ce qu'on appelle la thrombophlébite septique. C'est quand il y a un ralentissement du flux sanguin, constitution de thrombose, passage de ces thromboses, libération de ces thromboses qui vont obstruer certains vaisseaux et vont être responsables de d'ischémie, de nécrose, etc. On peut avoir aussi un décollement du périoste. Vous voyez ici, vous avez le périoste qui est décollé. Il y a du flux qui va se constituer entre la corticale et le périoste. C'est ce qu'on appelle l'abcès sous-périosté. L'abcès sous-périosté. L'infection aussi peut fuser vers la médulla et donner une ostéomie. Sur le plan épidémiologique et selon des statistiques, l'arthrite elle touche beaucoup plus le nouveau-né et le nourrisson, alors que l'ostéoarthrite touche l'enfant en bas âge. L'ostéomyélite touche beaucoup plus le grand enfant et l'adolescent. Donc chez le nouveau-né, il faut toujours penser à une arthrite. Quand vous avez par exemple un nouveau-né qui ne bouge pas, il ne bouge pas une hanche par exemple, il ne bouge pas une hanche, il a un membre qui est maintenu en expansion alors qu'il gigote avec les autres membres, c'est qu'il y a un problème au niveau de la hanche et le premier diagnostic auquel on pense, c'est toujours l'infection. Surtout si on a un contexte particulier, c'est-à-dire c'est un nouveau-né qui a eu une exsanguine transfusion, c'est un nouveau-né qui a séjourné trop longtemps en service de soins intensifs, il a eu un abort, il y a eu une infection maternelle. C'est chez ces enfants, quand on a une importance fonctionnelle, il faut toujours penser à une arthrite, à une infection osteoarticulaire. Oui. Il n'y a pas beaucoup plus de nouveau-né et nourrisson, puisqu'il y a ces anastomoses entre l'articulation et l'os. Non, l'arthrite, c'est toujours le nouveau-né et nourrisson. Un âge avancé, c'est l'enfant en bas âge. C'est-à-dire enfant en bas âge, c'est-à-dire plus de 2 ans, plus de 3 ans. Jusqu'à 7, 8, 9, 10 ans. Et grand enfant et adolescent, c'est en préadolescence et l'adolescent qui font des ostéomyélites. Mais la communication entre l'articulation et l'os. Ça, c'est. Non, elle est. Je parle de l'infection initiale, je ne parle pas de la diffusion de l'infection. Je parle de l'infection initiale. L'infection initiale chez le nouveau-né et le nourrisson se fait beaucoup plus au niveau de la synovia. On a rarement une atteinte osseuse. Dans les suites, si on ne traite pas cette infection, elle va fuser vers l'épiphyse plus vers les métaphyses parce qu'il n'y a pas ce barrage. D'accord ? Chez le grand enfant, chez l'enfant en bas âge, on a plus une atteinte osseuse qu'une atteinte articulaire. Maintenant, c'est la métaphyse. On peut avoir une atteinte métaphysaire parce que c'est là où il y a un ralentissement du flux sanguin. Si la métaphyse elle est intra-articulaire, comme c'est le cas de la hanche ou de l'épaule, on va avoir une fusion vers l'articulation et on va avoir une ostéoarthrite. D'accord ? Il y a quand même un passage, mais pour certains types d'articulations, ce n'est pas pour toutes les articulations. D'accord ? Chez le grand enfant, l'infection elle est si sévère qu'elle peut fuser vers la médulla et donner plus une ostéomyélite. N'empêche que chez le nouveau-né et le nourrisson, on peut avoir une ostéoarthrite. Mais on voit plus d'arthrite que d'ostéoarthrite. C'est ce que je voulais dire. D'accord ? Il n'y a pas de prédilection par rapport au sexe. Il faut toujours rechercher une porte d'entrée comme toutes les infections. la porte d'entrée qui est responsable de la bactériémie, qui peut donner par la suite l'infection articulaire. La porte d'entrée, c'est pour toutes les infections. Il faut toujours rechercher une plaie, une infection du cordon ombilical, notion de polytransfusion, notion de séjour dans un milieu de soins intensifs avec un abord des abords veineux multiples. Dans ce cas, il faut toujours rechercher une porte d'entrée. La localisation, c'est surtout au niveau de la hanche. C'est surtout au niveau de la hanche. On peut avoir aussi le genou, comme on peut avoir toutes les articulations. Attends, il n'y a pas une porte d'entrée qui est fréquente, hein? On ne peut pas dire qu'il y a une porte d'entrée fréquente. On ne peut pas parler d'une porte d'entrée fréquente. Enfin, tout dépend du contexte clinique de l'enfant. D'accord? Chez un enfant qui a... S'il vous plaît. Chez un enfant qui a un ictère néonatal, la porte d'entrée la plus fréquente, dans ce cas, par exemple, la porte d'entrée la plus fréquente, c'est l'infection par voie ombilicale. Parce qu'il va sûrement avoir recours, on va sûrement avoir recours à une exsanguine transfusion à travers le cordon ombilical, et dans ce cas, l'infection, le point de départ, c'est sûrement le cordon ombilical. D'accord? Les jeunes, c'est important de connaître les jeunes par rapport à l'âge pour orienter notre antibiothérapie de principe, c'est-à-dire primaire, avant qu'on ait un antibiogramme. Donc, avant 5 ans, si on a beaucoup plus le Kingella, Kingé et le Streptocoque, après 5 ans, Staphylococcus. Je sais que le nom est un petit peu bizarre, pas très connu. Même pour nous, ça fait uniquement 3 ou 4 ans qu'on a entendu parler de ce germe, mais c'est un germe finalement qui est le plus fréquemment retrouvé chez les enfants avant 5 ans. D'accord? C'est des notions qui sont, je ne vais pas dire nouvelles de l'année 2015, mais qui sont récentes quand même. C'est récentes quand même. Donc le germe le plus fréquent, c'est le Kingella Kingé. Et chacun comment il le prononce, moi je le prononce comme ça. Et le streptocoque en deuxième position. Mais on peut avoir aussi le streptocoque pneumonie, le staphylocoque doré et l'hémophilus influenzae. Mais on a de moins en moins d'infections à l'hémophilus vu l'introduction du vaccin anti-hémophilus dans le calendrier vaccinal. D'accord? Mais le Kingella Kingé, il est souvent rencontré dans ces infections. Mais toujours vu la difficulté de faire le diagnostic bactériologique au niveau du laboratoire, quand on a des facteurs, des éléments cliniques de présomption pour dire on a l'âge, on a le tableau clinique qui nous oriente vers ce genre. Donc on adapte une antibiothérapie en fonction de ça. Après 5 ans, c'est surtout le staphylocoque. Le staphylocoque doré qui est le plus incriminé. Le diagnostic, il peut être facile comme il peut être difficile. Il peut être facile quand on a un syndrome infectieux qui est connu par tout le monde. On a de la fièvre, on a des signes locaux, on a une adénopathie satellite. On a une porte d'entrée qui est évidente, avec en plus de l'importance fonctionnelle et de la douleur. Dans ce cas, automatiquement, on pense à une infection postéarticulaire. Maintenant, quand on a une importance fonctionnelle isolée, on a eu des enfants qui consultent pour une douleur, par exemple du genou, et qui sont immobilisés. Des fois, ils reçoivent un traitement banal, antalgique, parce qu'ils viennent après une chute. Et des fois, ils sont sous antibiotiques parce qu'ils ont déjà eu une infection. Donc, cette antibiothérapie va décapiter l'infection, et on ne va pas avoir des signes généraux importants. D'accord? Et là, c'est là où le diagnostic est difficile. Donc il faut toujours bien interroger et pousser l'interrogatoire des enfants. Et chez l'enfant, si l'enfant coopère, il faut aussi poser la question à l'enfant sur la nature du traumatisme, le type de traumatisme, le mécanisme, et si le traumatisme est violent ou non. Si le traumatisme est très banal avec une douleur très importante, il ne faut pas négliger ça. Il faut toujours mettre ça sous le compte de l'infection, demander un bilan biologique, et il vaut mieux traiter par excès que par dégoût. D'accord. Donc, il faut toujours rechercher une douleur de fracture sans fracture, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et chez le nouveau-né et nourrisson, on retrouve souvent un membre qui est pseudo-paralysé. C'est-à-dire que le membre perd ses mouvements autonomes. Chez le nouveau-né et nourrisson, c'est toujours il a toujours une attitude en hyperflexion des trois articulations au niveau des membres intérieurs, et aussi il est en train de gigoter avec ses mains. Quand on a un membre qui est pseudo-paralytique, il faut, avec un contexte infectieux spécifique, il faut toujours penser à l'infection. Donc, devant un enfant qui, suite à un traumatisme banal, présente une douleur persistante, une importance fonctionnelle avec une radiographie où on n'a rien normal, il faut toujours le traiter par excès. D'accord? Parce qu'au début de l'infection, on n'a aucun signe radiologique, même si on a une atteinte au sol. On n'a aucun signe radiologique. On a uniquement des signes indirects. On va voir tout à l'heure. Je spécifie le tableau clinique de la l'ostéomyélite parce qu'elle a des phases. Oui. J'espère que ce n'est pas mon cours qui me déclenche. Non. Je spécifie dans la clinique l'ostéomyélite parce que l'ostéomyélite a des phases évolutives bien spécifiques. On a la phase de début, la phase d'absé-supériorité et la phase d'état. D'accord? La phase de début, on a un syndrome infectieux dont je vous ai parlé, ce qui est lié à la bactériémie. On a toujours une infection qui est aux alentours de 39-40 degrés, des frissons céphalés, baisse de l'état général. On a des douleurs vives localisées. L'enfant, il vous montre le siège de sa douleur. Il vous montre avec le doigt quand il est coopérant, il vous montre le siège de sa douleur. Et à la palpation, on ne retrouve pas grand-chose. Mais on recherche uniquement une douleur à la palpation, sans qu'il y ait d'abcès, de fluctuation, parce que c'est juste un stade de début. Donc il y a peu de choses à retrouver au cours de ce stade. Au stade d'abcès supériorité, la VN devient oscillante, l'asthénie elle est beaucoup plus importante, on a une baisse de l'état général parce que l'infection a progressé, donc on a une plus d'atteinte de l'état général. On a en plus de ça des signes locaux, parce que c'est le stade de l'abcès supériorité. Donc, si l'os il est sous la peau, comme c'est le cas de la face interne de la jambe par exemple, là où on parle, on peut palper l'abcès. On peut palper l'abcès qui est fluctuant, on peut voir de la rougeur, de la tuméfaction qui est très suspecte de l'abcès. Et en phase d'état, c'est là où on a plus de signes radiologiques, c'est là où on va voir la formation sur la radio de séquestres et des images de reconstruction osseuse. Donc, c'est ça la phase d'état. La phase d'état, elle est beaucoup plus radiologique. Elle est beaucoup plus radiologique, en plus des signes cliniques d'infection, bien sûr, qu'on vient de voir. On va voir la radiologie plus tard. On va passer d'abord par la biologie, qui sont des examens qui sont systématiques, automatiques et qui peuvent nous orienter vers l'infection. La vitesse de cette sédimentation, elle n'est pas spécifique, mais elle nous montre. Elle prouve l'existence d'une inflammation. Donc elle est toujours accélérée, s'il vous plaît. La vitesse de sédimentation, elle est toujours accélérée et souvent elle est supérieure à 100 à la première, quand l'infection est vraiment importante. La formulation sanguine nous montre l'hyperleucocytose, la polycythémie neutrophile, comme toutes les infections. Elle n'est pas spécifique de l'infection osteoarticulaire. La CRP aussi, elle n'est pas aussi spécifique, mais elle est accélérée. Elle est toujours supérieure à 6. Or, et l'hémoculture, si bien sûr on peut isoler le germe, on peut faire des hémocultures au pic fébrile, sur le flacon de Castaneda, et rarement on a un germe à partir de l'hémoculture. Mais c'est un examen aussi à réaliser chez les enfants hospitalisés sous surveillance de la température, parce qu'il faut le faire à chaque pic fébrile. La ponction de l'articulation, si on a une atteinte articulaire ou bien si l'abcès est accessible de mes yeux, la ponction nous permet de retirer le pus, d'envoyer le pus à la bactérie pour identifier le germe. Donc c'est un examen qui peut se faire au laboratoire aussi. Maintenant, il y a des examens qui sont spécifiques à l'infection. Par exemple, le dosage des orozomycoïdes. C'est quoi les orozomycoïdes? C'est des biomarqueurs qui sont les produits de dégradation du cartilage articulaire. Quand on a une infection, l'infection va agresser le cartilage articulaire et on a libération de ces zorozomycoïdes. Et le dosage de ces zorozomycoïdes nous permet de confirmer premièrement l'infection et deuxièmement, si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez sortir. Le cours n'est pas obligatoire. D'accord ? Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez sortir. Le dosage des zorozomycoïdes nous permet de confirmer l'infection et de suivre aussi l'évolution de l'infection. Dès qu'on a une baisse de ce taux des zorozomycoïdes dans l'articulation, c'est une preuve à l'efficacité du traitement et à la bonne évolution de la maladie. Les antistaphylolysines, c'est comme pour le rhumatisme articulaire aigu, dont le germe est le streptocoque. Donc on dose les antistaphylolysines, c'est-à-dire les asthmos, dans les infections, parce que le germe responsable, surtout chez les enfants âgés, c'est le staphylocoque. Donc on dose les antistaphylolysines alpha, qui sont spécifiques à l'infection staphylocoque. Maintenant, il y a un examen qui est très très très spécifique et les plus spécifiques de l'infection bactérienne, c'est le dosage de la procalcitonine. La procalcitonine, malheureusement, ce n'est pas un examen qui est faisable dans tous les laboratoires, mais c'est un examen qui nous prouve à 100% qu'il y a une infection bactérienne, pas virale, mais bactérienne. Parce que des fois, on est dans un diagnostic différentiel où on ne sait pas est-ce que c'est une infection, est-ce que c'est une tumeur, est-ce que c'est juste une lésion d'origine hématologique. Et dans ce cas, c'est la procalcitonine qui tranche, qui nous dit soit c'est une infection bactérienne, ou bien c'est juste, ou bien c'est autre chose qu'une infection. L'échographie, c'est l'examen de choix au stade de début. Au stade de début. C'est un examen qui est peu coûteux. Il est non invasif. Il nous permet d'objectiver la collection et aussi de la quantifier. Parce qu'en quantifiant la collection, on peut voir l'évolution sous traitement. Normalement, sous traitement, la collection va régresser progressivement. Si on a une collection qui persiste ou bien qui augmente de quantité, là, il faut intervenir. Soit il faut changer de traitement, soit il faut opérer pour drainer l'abcès. Elle nous permet aussi de guider une ponction. Quand on a, par exemple, une articulation profonde comme la hanche, par exemple, ou bien comme l'épaule, où on a une grosse tumoraction et l'échographie objective est liquide dans notre articulaire, on peut envoyer une aiguille sous échographie et évacuer le liquide. Ça nous permet de soulager l'articulation et deuxièmement d'avoir un diagnostic bactériologique en envoyant le liquide à la bactérie. Bon, la radiographie standard. La radiographie standard est un examen aussi très important, sauf qu'au début, elle est toujours normale. On peut avoir des signes indirects d'infection. Je vous ai montré sur ce cliché un exemple, l'exemple d'une arthrite de hanche. Une arthrite de hanche au stade de début. Vous avez une infection bacinobiale, vous avez du pus en intra-articulaire, vous n'avez pas de lésion osseuse, mais on a un signe indirect qui est l'élargissement de l'articulation. Ça prouve qu'il y a une tension, il y a une hyperpression en intra-articulaire qui va pousser sur la tête humaine. Et on va voir cet élargissement. Si vous comparez au côté contralatéral, vous voyez que la tête elle est excentrée par rapport au côté contralatéral. Ce qui prouve qu'il y a du liquide en intra-articulaire. Ici, c'est une urgence. C'est une urgence. Il faut ponctionner, il faut évacuer ce liquide, parce que ce liquide va comprimer sur la vascularisation de la tête et va être responsable d'une ischémie, d'une nécrose de la tête fémorale. Au pire des cas, si le liquide est épais, on ne peut pas l'évacuer par ponction, il faut faire un drainage chirurgical. Il faut couvrir l'articulation, drainer l'abcès et nettoyer l'articulation. Un stade avancé, on a des images en rapport avec la destruction osseuse. Vous avez des images de géodes. C'est ça les géodes. C'est le vide qu'on voit ici. C'est le noir qu'on voit ici. Ça, c'est les géodes. Quand on a ici, c'est au niveau métaphysia. Vous avez ici même une atteinte du cartilage de croissance. Vous voyez que cette géode, elle touche aussi bien l'épiphyse que la métaphyse. D'accord ? C'est un genou. Ici, vous voyez que l'infection, elle touche toute la diaphyse. Et dans ce cas, on parle de fibrillite. Oui, mais l'atteinte de toute la diaphyse, c'est une pandiaphysite. C'est une pandiaphysite. Pandiaphysite, on voit des géodes pleins sur toute la diaphyse. Et ce qui est blanc, vous voyez ici, sur le tiers inférieur de la jambe ici, l'os, il est condensé, il est anormalement condensé. Et il représente quoi? La reconstruction. C'est pas ça la reconstruction. On va la voir la reconstruction. Ça, c'est pas la reconstruction. Ça, c'est le séquestre. Ça, c'est le séquestre. C'est un fragment d'os qui est trop blanc. Parce qu'il est ischémié. Parce qu'il n'y a pas de sang dedans. C'est ce qu'on appelle le séquestre. D'accord? Ça, autour de cette géode, c'est la condensation. Et ce n'est pas la même chose. Vous voyez que le séquestre, il est bien limité. C'est une zone osseuse bien limitée. C'est on dirait un fragment d'os, mais qui a une couleur plus blanche que le reste de la diaphyse. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a une condensation qui entoure. Ici, par exemple, sur cette hémérus, vous voyez ici l'image. Cette image au contact, vous avez la pandiaphysite, vous avez l'atteinte métaphyseur, l'atteinte épiphyseur, vous avez même un décollement septique, parce qu'il y a une atteinte du cartilage de croissance, donc il y a eu un décollement. La tête s'est déplacée. S'est déplacée. Et vous voyez ici un ange autour de la diaphyse. Le décollement périosté. Ce n'est pas le décollement périosté, c'est la conséquence du décollement périosté. Il y a eu un décollement périosté, et quand on a un décollement périosté, on a une accélération de la fonction des ostéoblastes. Donc, il y a une reconstruction osseuse autour de la diaphyse. C'est ça la reconstruction osseuse. C'est ce qu'on appelle l'apposition périostée. C'est l'apposition, c'est ça autour de la diaphyse, il y a une apposition périostée. Il y a de l'os nouveau qui s'est reconstitué autour de la diaphyse. C'est ça l'apposition périostée. On a donc des lésions osseuses, il y a eu un abcès périosté qui a décollé le périoste, on a eu une formation osseuse autour de la diaphyse qu'on appelle apposition périostée. Cette apposition périostée va permettre de reconstruire ce qui a été détruit par l'infection. Elle est réactionnelle et c'est un phénomène de correction ou bien de reconstruction de ce qui a été détruit. Maintenant, il y a des choses qu'on ne peut pas reconstruire. Quand on a par exemple une nécrose de la tête, comme dans le cas, c'est le même cas, mais plusieurs mois plus tard, on a eu une nécrose complète de la tête humérale. Et vous voyez ici la reconstruction. On a presque une diaphyse qui est normale. Comme s'il y a eu une consolidation. C'est le même cas, c'est le même mécanisme et le même processus qu'on voit au cours d'une fracture. Quand on a une fracture, on a une atteinte périostée. On a un décollement périosté. Et ce décollement périosté va déclencher le phénomène de consolidation autour de l'os. Sauf que, en cas de traumatisme, c'est le traumatisme, c'est la fracture qui déclenche, et c'est l'hématome fracturé qui va se reconstituer et donner ce cas osseux. Et dans ce cas, c'est le décollement périosté qui va déclencher l'activation des osteoblastes et donner cet aspect. D'accord? Ici, sur cette image, à gauche, on voit un cartilage de croissance, c'est un genou, et on voit ici, une épiphysiodèse. C'est un pont d'épiphysiodèse post-infectieuse. Elle n'est pas traumatique, elle est post-infectieuse. Il y a une infection, il y a une nerf prise de genou, Et comme conséquence, on a eu, vous voyez l'élargissement de la métaphysique, vous avez l'aspect évasé ici en bas vers l'épiphyse. Donc il y a eu une infection osseuse en haut, métaphyseur, qui a fusé à travers le cartilage de croissance et donné une épiphysiose. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez une géote entourée d'une ostéocondensation, d'une reconstruction. Elle est bien limitée, cette géote. Oui. Si vous la comparez à ces géotes, c'est pas le même aspect. C'est pas le même aspect. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution. C'est l'abcès central. C'est l'abcès de Bode. Donc vous avez la géote entourée de l'os qui est pratiquement sain. Donc c'est ça l'abcès central. Parce qu'on voit, quand on voit la radio, on voit à travers. C'est pas quand on ouvre l'os, on ne voit rien, on ne peut pas voir la géote. C'est seulement en ouvrant l'os qu'on voit cette image. Mais ici, sur la radio, on la voit à travers l'os. On voit qu'il y a une loge intra-osseuse qui est l'abcès de Bode, qui pose un diagnostic différentiel avec. Il y a une tumeur qui est le seul diagnostic différentiel avec l'abcès de Bode. Non. C'est une tumeur. Le abcès de Bode, la spécificité clinique, c'est la présence de douleur qui est très très vive. C'est une douleur qui est très vive. L'ostéo-ostéoïde. C'est l'ostéo-ostéoïde. L'ostéo-ostéoïde, c'est le même aspect. Sauf qu'il y a une particularité radiologique de l'ostéo-ostéoïde, c'est quoi? La présence des nudus, qui n'est pas toujours visible. Des fois, on peut confondre avec l'abcès de Bode. Et on a traité des ostéomostéoïdes, et quand on a ouvert, on a trouvé du pus. Quand on ouvre une cavité comme ça, on trouve du pus, c'est que c'est un abcès de Bode, pas un nudus. Et aussi, il y a la particularité clinique de l'ostéomostéoïde, c'est quoi? C'est la douleur qui est calmée par l'acide salicylique, par les salicylés. Ça, c'est un test thérapeutique, un diagnostic. D'accord? La scintigraphie est un examen qui n'est pas très spécifique parce qu'il nous montre l'hyperfixation, c'est le siège de l'infection, mais il n'est pas spécifique de l'infection. Cette hyperfixation peut être aussi due à une inflammation, à une tumeur, donc ce n'est pas spécifique. Mais la scintigraphie va nous montrer une hyperfixation. L'IRM et le scanner, l'IRM et la TDM, on la demande quand on a un doute diagnostique. Par exemple, si on est en train de traiter une infection osseuse, une ostéomyélite par exemple, et on voit que l'enfant ne répond pas au traitement et que les lésions s'aggravent. Dans ce cas, il faut poser un sarcome, oui, pour un osteosarcome. Et dans ce cas, il faut faire l'IRM, bien un scanner et même une biopsie chirurgicale. D'accord? Et ça, c'est arrivé déjà qu'on confond un sarcome d'hémique ou un ostéosarcome avec une infection articulaire. L'enfant est traité pendant un mois, deux mois, sous antibiotiques et tout, sans aucune réponse, et on voit la flambée des lésions avec la tuméfection locale. Donc, systématiquement, on fait une biopsie pour confirmer le diagnostic. D'accord? Les formes cliniques. L'abcès de Bode, j'en ai déjà parlé, ça c'est une forme chronique de l'infection. D'accord? Le diagnostic différentiel, le rhumatisme articulaire aigu veut la douleur, mais on a bien sûr les spécificités cliniques, biologiques du rhumatisme articulaire. Quand un enfant vient consulter pour une douleur articulaire, une monoarthrite par exemple, il faut l'interroger sur la fréquence des angines, s'il est sous-expansionné, s'il a fait de tentation et demander le tentation parce qu'il est fort en confort. Et le cause, vu l'importance de la douleur, on peut penser au le cause, c'est-à-dire aux lésions hématologiques. On a des lésions osseuses d'origine hématologique qui ont le même aspect des ostéites, le même aspect. D'accord? Il faut toujours bien orienter votre examen, clinique et votre biologie. Demandez même un frottis sanguin. Le sarcome du Lyme, j'en ai déjà parlé. L'arthrite chronique juvénile ou bien l'ACJ. L'ACJ, c'est une maladie rhumatismale qui touche généralement l'adolescent. Les douleurs sont de type inflammatoire. C'est-à-dire, il y a une recrudescence nocturne avec un engourdissement matinal. Il y a aussi l'installation progressive sans mention de traumatisme. Il y a les antécédents. Et il y a aussi même des gens qui demandent des HLA. Maintenant, pour ce type d'affection. Le traitement. Je ne vais pas trop m'attarder sur le traitement. Vous avez le schéma sur le polycorps. Avant 5 ans, ici c'est 3 ans, mais avant 5 ans, il faut le mettre. Il faut viser beaucoup plus le King et la QG et le streptocoque. Et après 5 ans, il faut toujours viser le staphylocoque doré. J'ai écrit plus ou moins aminosine, plus ou moins vancomycine, parce qu'en cas de résistance, on a aussi certains gènes qui sont plus virulents. Je ne vais pas aller dans les détails, mais certains dosages hormonaux ne montrent que certains gènes sont plus violents que d'autres et qui répondent beaucoup plus à la vancomycine. Donc il reste un traitement. Le traitement, généralement, on est maintenant de plus en plus court sur le traitement. On garde l'enfant de moins en moins à condition qu'il y ait une bonne évolution. Et comment juger la bonne évolution ? Premièrement, sur la clinique, c'est-à-dire on voit la cassure de la courbe de température, on voit la diminution ou la disparition de la douleur, et biologique, on voit surtout la vitesse de sédimentation et la CRP. Aussi la FMS, mais beaucoup plus la vitesse de sédimentation et la CRP. Maintenant, s'il n'y a pas de réponse au traitement, c'est que le gène n'a pas été bien ciblé. Dans ce cas, il faut refaire à chaque pic fébrile une hémoglobine. Il faut refaire les prélèvements bactériologiques et réajuster le traitement antibiotique. L'immobilisation plâtrée. L'immobilisation plâtrée, elle a plusieurs buts. Premièrement, elle est antalgique. Parce que ça fait reposer l'articulation ou bien l'os. Deuxièmement, c'est pour lutter contre les fractures pathologiques. Quand vous avez un os comme ça, qui est infesté par l'infection géodique, donc il y a un grand risque de fracture pathologique. C'est pour ça qu'on met des plâtres pour éviter justement ces fractures pathologiques. Troisièmement, elle nous permet d'éviter les rétractions musculaires et tendineuses. Si vous avez par exemple une arthrite du genou, d'habitude, quand on a une fracture aux alentours du genou, comment on plâtre l'enfant? Le plâtre est limite en quelle position? Quelle est la position? Flexion 32. C'est la flexion? Non. En cas d'infection, il faut le plâtrer en extension, pas en flexion. Parce qu'il y a un risque de rétraction. Et on peut avoir en fin d'infection un flexion au niveau du genou. C'est pour ça qu'il faut toujours plâtrer le genou. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Il faut toujours le plâtrer en extension. La même chose pour la hanche. Il faut toujours la plâtrer en extension. Il ne faut pas la plâtrer en flexion. Parce que la flexion va favoriser la rétraction musculaire et l'enfant va se retrouver en fin de sa maladie avec des articulations qui sont rétractées. D'accord? Au niveau de la cheville. Dans quelle position il faut plâtrer l'enfant? Dans quelle position il faut la maintenir? À 90 degrés. Ça, c'est valable aussi bien valable pour les cas traumatiques que pour l'infection. Parce que c'est la position de fonction. Et on n'a pas le droit ici de plâtrer la cheville en équin parce qu'elle va se fixer en équin. D'accord? Le traitement chirurgical reste une alternative en cas d'échec du traitement médical. Ou bien une résistance au traitement médical où on suspecte une tumeur, par exemple. Donc le but du traitement chirurgical soit d'évacuer l'abcès, de nettoyer l'articulation, d'évacuer l'abcès sous périosté, pas uniquement l'articulaire, l'abcès sous périosté et de l'évacuer. Quand on évacue l'abcès supérieur, il ne faut pas toucher à la diaphyse. Il ne faut pas trépaner et aller ouvrir la diaphyse au niveau des géoles. Il faut toujours respecter la corticale. Il faut juste évacuer l'abcès supérieur. Il ne faut pas toucher à la corticale. Au niveau de l'articulation, il faut bien nettoyer, il faut bien vider l'articulation. Et quand on suspecte quand on a un aspect qui est pseudo-tumoral, il faut toujours faire une biopsie et l'envoyer à la porte. Ça, vous avez une image d'une infection de la hanche, d'une arthrite de la hanche. Et là, l'infection a été si importante, il y a eu une négligence au point que l'abcès a fistulisé vers l'extérieur. Donc il y a eu une fissure vers l'extérieur et la hanche a évolué vers la nécrose. Nécrose de la tête fémorale. C'est des cas les plus dramatiques de l'orthopédiatrie où on ne peut rien faire pour l'enfant. D'accord ? Donc, voyez l'urgence du traitement. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est une urgence médico-chirurgicale. Parce que les conséquences sur le plan fonctionnel et sont très importantes et sont très graves. Vous avez ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce que vous pouvez me faire la description de cette image? À gauche. Qu'est-ce que vous voyez sur la métaphyse? On voit des géodes, ça c'est des géodes. Qu'est-ce que vous voyez sur l'épiphyse? Une condensation. L'épiphyse, elle est condensée. Ce qu'il y a eu, une ischémie. Pas un séquestre. Une ischémie de la tête. Il y a eu une. Le séquestre, c'est toujours la même question qui se pose. La différence entre ischémie et séquestre. Alors, c'est la la différence radiologique. La différence radiologique, je vous ai montré la différence. Oui. Quand on a un séquestre, c'est une partie de la diaphyse, il y a de la métaphyse qui est bien délimitée, qui est blanche. Blanche. Elle est due à des secondaires à l'ischémie. C'est une ischémie. C'est une ischémie. Mais qui peut se détacher et constituer un séquestre. Chez l'adulte, quand on a une infection et quand on a un séquestre, il faut l'enlever. Parce que ce séquestre, il se comporte comme un corps étranger, il faut l'enlever. Parce que sinon, il va entretenir l'infection. Chez l'enfant, on n'a pas la même conduite. Parce que des fois, le séquestre chez l'enfant, et surtout quand le séquestre est important, il va se comporter comme un tuteur à la reconstruction osseuse. L'adulte n'a pas le même potentiel de reconstruction comme chez l'enfant. L'enfant, il a un périoste. Avec son imposition périostée, avec sa reconstruction osseuse, il peut reconstruire tout ce qui a été détruit. D'accord ? C'est pour ça qu'on évite d'enlever les séquestres. Généralement, les séquestres vont se fusionner avec l'os qui s'est reconstitué et même s'ils vont nécroser, ils ne vont pas laisser un grand vide par rapport au séquestre de l'adulte. L'adulte, quand on a un séquestre, il faut l'enlever. Parce que c'est lui qui va entretenir l'infection parce qu'il se comporte comme un corps étranger. Chez l'enfant, maintenant, la différence entre une ischémie et un séquestre. Le séquestre, c'est une ischémie. Sauf que c'est une partie d'os qui peut se détacher. Ici, c'est une ischémie de l'épiphyse fémorale supérieure qui va évoluer vers la nécrose. Voyez l'évolution. Ça, c'est une notion de condensation due à la privation de la vascularisation. Ici, de nécrose de la tête. Et elle va disparaître par la suite. Elle va disparaître. Vous voyez que la diaphyse, elle s'est reconstituée, mais l'épiphyse, elle a été détruite par l'infection. Au niveau du genou, il y a eu aussi une épiphysiodèse. Il y a eu une fermeture du cartilage de croissance. Et il y a l'enfant ici va avoir un raccourcissement du membre avec une hanche qui est complètement incompatible avec la fonction et pour laquelle on ne peut pratiquement rien faire. Amputation? Amputation. Ah, je ne sais pas, j'ai posé la question. On ne peut pas amputer un enfant. Si c'est un enfant, on peut compenser avec des talonnettes, mais compenser un raccourcissement de 6. Parce que le raccourcissement est d'autant plus important que l'enfant il est jeune. Donc tu peux finir facilement avec 12 cm de. Donc c'est pas facile de compenser. On a des prothèses spécifiques, pied dans le pied, où on peut mettre un pied en distal. Et le pied de l'enfant il repose sur un appui, sur une prothèse, comme les prothèses d'amputation. Mais ces solutions ne sont pas. Le plus important, c'est de prévenir l'infection et de diagnostiquer l'infection. C'est le vrai problème. De diagnostiquer l'infection avant que l'infection n'envahisse tout l'os. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Bon week-end, les filles. Bon week-end.